boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartaches to come to find you for in some velvet morning years too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. Monkeys, une fois n'est pas coutume, c'est par un classique que s'ouvre votre Pop and Rock sur la très locale Radio Val-de-Rhin qui, encore une fois, va s'atteler à vous programmer quelques classiques, vous parsemer de quelques oldies but goldies, vous refiler quelques découvertes récentes, sans oublier de vous envoyer deux nouveautés, de Led Zeppelin à Eldovar en passant par Alt J, vaste programme que je ne soumettrai pas à vos suffrages. I'm d'accord, ok. J'adore les premiers albums d'Interpol, on vient d'écouter PDA, issu d'un album sorti en 2002. J'aurais adoré les voir à cette époque en live, mais trêve de nostalgie, fonçons maintenant ensemble sur la première nouveauté du soir où quand un groupe teuton de hard rock rencontre un trio ricain lors d'un confinement au fin fond d'un studio berlinois. Cadovar pour les premiers nommés, Elder pour les seconds, on mélange, on agite et on obtient le premier album, peut-être juste un one-shot, de Eldovar. Et accrochez-vous parce qu'on est parti pour 9.33 du rock psychédélique de Eldovar avec le morceau From Deep Within. Thank you. Eldovar a sorti ce qui sera peut-être son seul album le 3 décembre 2021, alors profitons d'un second titre, In The Way. Vous y trouverez peut-être leur influence musicale. Petit indice, comme nombre de groupes actuels, les 70s restent indémodables. Flashes, rays of sun on the surface of a cold dark, glancing slow like this tree. It must invade you suddenly, master you away, have it on your lifetime. No matter what you do, you are. This is what most people think. A man is always a teller of myth. You have to choose, live or tell. I plant the seeds of memories in the heart of a new daydream. Oh, listen how they sing. No matter what. You are. Watching the seasons. You are. tous les lundis entre 17h et 18h, on se retrouve dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. On parlait d'influence rock pour Eldebar tout à l'heure, et bien Led Zeppelin qu'on vient d'écouter reste encore actuellement parmi les groupes ayant une grosse influence sur foultitude de groupes rock d'aujourd'hui. De Eldebar que nous venons de découvrir ce soir, au groupe français Gloria que nous écoutons dans Pop and Rock depuis quelques semaines. Easy, I see you. Bon, comment sortir des 70s ce soir dans Pop and Rock? Je crois que franchement, on va devoir faire dans le violent, dans le brutal, machine à voyager dans le futur avec un premier extrait du nouvel album de Alt G qui sortira en février 2022. Si vous voulez retrouver les programmations de Pop and Rock ou retrouver les émissions en podcast, rendez-vous sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock. Come set me free. So where's my liberty? I remember it clear. Now it all seems to disappear. Up to the point where I disagree with the other man. The other man in me. My ship's got wrecked due to all the bore. counteract. Comes out slowly now. Speed it up in time till it caught me up. And it caught me up. Comes out slowly now. Speed it up in time. It has come between me and my reality. Yeah, it has come between me and my referee. See where we stand, the high or the low end. It feels like quicksand. Comes out slowly now. Speeding up in town till it caught me. Bernhard, une des deux têtes pensantes des Belges de Balthazar. La Belgique, vous le savez, l'autre pays du rock, l'autre, parce que la référence, ça reste encore la Grande-Bretagne, capable de nous envoyer les Sleaford Mods ou les Slaves, et juste derrière, la belle voix prétentieuse de Hannah Red, voix de London Grammar, que je vous lance à présent avec un titre issu de leur dernier album, Choking. Mean nothing to me. Oh, oh. futures I see, and I see truth in dark corners. Eyes look away from me. And are we talking now, baby? There is a life here for free. Are we talking now, baby? Talking to you, talk to me. London Grammar, pour le coup, nous sommes plutôt dans les années 80 concernant leurs influences, mais plus Cocteau Twins que Led Zeppelin. Mais bon, tout ça, c'est une affaire de jugement, voire de préjugés, alors fonçons vers notre seconde nouveauté du soir qui, si elle est aussi issue de chez les Grands Bretons, n'a rien à voir avec London Grammar. Je vous propose donc d'écouter The Temperance Movement. Fly. Now tell me how high do you think you go before you start falling? Hey you, up in a tree, you wanna be me, but that couldn't be, 'cause some people here, they don't hear you calling. How does it feel? How does it feel? seconde découverte dans Pop and Rock ce soir, The Temperance Movement, sorte de collectif regroupant plusieurs musiciens venant de différents groupes, notamment on y retrouve à la batterie un des ex des Waterboys. Rien que pour ça, j'ai tendu l'oreille et j'ai bien fait parce que dans leur nouvel album, ils ont glissé une reprise live du fabuleux titre Ziggy Stardust. Jamming good with Weird and Keely and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed like some cat from Japan. He could lick them by smiling, he could leave them to hang. Came on so loaded, man, right down and so wildly tanned. But where were the spiders while the flies tried to break out? Just a beer light to guide us. So we pissed about his fans and should we crash? Yes, we had. All right. Oh, Ziggy climbed a time, jiving us that we. Too far, but boy, could it bring a time. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a leper messiah, in the kitchen. Rappelez-vous The Temperance Movement si vous avez aimé, foncez sur leur dernier album Cover and Rarities. Sinon, on peut toujours se faire ça. I'm lonely. and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Voilà, notre pop and rock va refermer ses portes et pour nous quitter, on va retrouver John Cougar Mellencamp et puis moi je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même à même endroit. Bis à tous. Fa la la la.